Mon cœur se serre, j'appréhende vachement. La mort dans l'âme, tu la connais, j'évoque mon mal-être oralement. L'instru me bonifie, c'est avec tes que je trouve l'inspire. Trop de choses font que la nostalgie dans la détresurgie. J'ai pas envie de me prendre la tête, c'est mon attitude. Mais les événements de la vie me titillent par habitude. Ce qui me pousse à avoir des heures pessimistes. Même si j'ai franchement le désir, comme moi la pessimiste. Et ouais, la mort aussi, t'es atteint son but. Celui qui sait la neutraliser, dirais-je le recrute. Sincèrement, c'est la même, c'est la même. Pour tout le monde, obligé de m'accabler, le constat est bien trop sombre. Chaque seconde de la vie nous pousse vers le mot de la fin. Mais l'espérance d'un bonheur s'avère une tâche sans fin. On veut y accéder, quelles que soient nos différences. Peu importe la manière et les conséquences. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. Oui, ici rien n'est sûr, la vie c'est dur. L'amorosité prend l'emprise à coup sûr. Comment faire pour dédramatiser les choses? Peut-être se contenter tout simplement des idées roses. Mais l'idéalisme, ça rend encore plus fou. L'espoir de l'atteindre rend les idées encore plus floues. Y'a pas d'échappatoire, alors certains s'habituent à boire. Fumer se démêle pas pour sortir du trou noir. Et moi des propos noirs, j'en ai des masses. Mais quand ils s'amassent, les idées claires les dévastent. Heureusement, tu sur la balance de mon être. Le poids de ma conscience compense celui de ma carence. Avec mes analyses, qui la stabilise. Quand je réalise le bienfait des choses positives, je me pose plus trop de questions. Je ne fais que de constater la vie que j'ai et ses difficultés. Ok, ok, Dorna, Dorna. Je ne fais que constater la vie et ses difficultés. Ok, la mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. Dans ce monde la vie est dure. Dans ce monde la vie est dure. C'est pour ça que, c'est pour ça que, j'aimerais bien être un mec pour toujours voir tout en haut. Ou alors une déesse pour être toujours bien des héros. Au niveau des pouvoirs surnaturels qui pourraient me mettre à l'abri dans ce monde bien cruel. J'suis pas trop bien placé pour donner trop de conseils. Du haut de ma petite jeunesse, moi j'préfère qu'on m'enseigne les choses primordiales à acquérir dans cette arène pour avoir la force de tenir. Le fil auquel je me tiens n'est pas stable. Je peux être toute calme et après péter un câble. C'est tard quand je me remets en question. J'écris souvent pour des fois trouver des solutions. La mort dans l'âme, un sentiment de détresse qui arrive souvent même à des personnes sans stress. On encaisse pour mieux agir après. Il faut être celui qui agit, comme dit Wolf le dirait. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Dans ce monde la vie est dure. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. La mort dans l'âme et le drame s'installe. Ce n'est pas l'idéal, ni souvent ça va mal. L'angoisse perdure comme la violence dans la rue. Ici rien n'est sûr, dans ce monde la vie est dure. Association Mixtaper 2010, DJ Def, Killa, Killa, Killa. Aïe, 7, 4, 1, 3.